un texte sur le baptême, comme celui que j'ai ici. Là. Enfin, vous le verrez, il est peut-être un peu spécifique, celui-ci, mais il est quand même très révélateur. Un texte sur le baptême dans un petit village de montagne où j'ai enquêté apporte finalement très peu de choses sur les usages du baptême réel. Et c'est vrai qu'une batterie de questions sur ce sujet aurait au contraire permis peut-être, d'apporter beaucoup d'informations très précises et, je m'empresse de le dire, très utiles. En revanche, ce texte, comme on le verra, les textes, enfin n'importe quel texte, ce texte oral, qui a des lacunes parfois considérables, qui grossit certains éléments, qui privilégie certains éléments au détriment d'autres éléments, qui escamote certains aspects de la réalité pour en privilégier d'autres, ce texte est une vision d'ensemble de l'usage du baptême, par exemple, et il insiste sur ce qui paraît, et je dis bien sur ce qui paraît fondamental dans cet usage pour les personnes interrogées, mais pour les personnes interrogées en 1981 ou en 1980, c'est-à-dire à l'époque actuelle. Alors, c'est donc une vision, une représentation de la culture qui est faite, et cela est intéressant en tant que tel, et il faut bien voir quelles en sont les limites, quel en est l'intérêt.